plan d'aujourd'hui à l'émission. Dans la chronique technologique CNX, on parle de nouvelles du futur. Je vous fais mes suggestions de nouveaux TCD. Et Simon Fitzbé nous révèle les rapports de Charles Manson dans la musique pop. Assemblage requis, ça commence tout de suite. Ah, bonjour et bienvenue à Assemblage requis, je m'appelle Mathieu Plante, bonjour Kiwan. Salut Matt, ça va? Ça va bien toi? Oui, très bien. Je t'ai piqué ton « Je suis Kiwan », hein, mais tu le dis jamais pareil. Ouais, c'est ça, fait que c'est parfait comme ça finalement. Mais de toute façon, assez parlé de nous, bienvenue à vous, bienvenue à Assemblage requis, à cette émission du retour jusqu'à 17h. Aujourd'hui, émission encore une fois chargée, mais ça on le dit à tous les jours et c'est vrai. On va avoir Simon Fitzbé qui va nous révéler quelque chose de bizarre par rapport à Charles Manson. Je sais pas si vous connaissez Charles Manson, mais on peut peut-être s'attendre à quelque chose d'autre que de la petite musique, genre. Je pense que oui, toujours très intéressante les chroniques de Simon Fitzbé. Il y a plein de monde qui nous en parle en plus. Les gens aiment cette chronique et c'est tantôt dans à peu près une heure et demie, je dirais. Environ. Avant ça, vers les 15h20, il va y avoir une chronique technologique CNX. On va parler de nouvelles du futur, des choses futuristes, des robots, des trucs science, technologie, etc. Mais dans le futur, tout le temps, au futur. Et puis, on est mardi aujourd'hui, donc c'est la journée des sorties CD. Donc, je vous parle de ceux qui ont retenu le plus mon attention. Entre autres, là-dedans, un nouvel album de Dumas. Qui était quand même assez attendu, même si c'est son quatrième cette année. C'est ça, il en sort beaucoup. Le gars, il est très productif. Ouais, là, je pense que c'est le dernier de cette série de quatre albums. Mais bon, je vous en parle un peu tantôt. On va en écouter aussi des extraits de cet album-là. Il va y avoir aussi Stars of Track and Field, le nouvel album de Pépé, Ghost Français, qui nous en a parlé ici même la semaine dernière. Aussi The Balconies et peut-être The Muse. Peut-être. Peut-être. Peut-être. On verra. Mais on commence ça avec la musique de La Descente du Coude. Ça vient de leur vieil album, La Descente du Coude. Ouais, dans le temps que ça brassait pas mal, La Descente du Coude, on va écouter la pièce Rince-Bouche. Vous êtes à Assemblage requis. Au 89.1 FM. suspicion. When you don't trust what's what in your gut, 20/20 vision. Asher soaks piss, someone flashes tits. Time to hit the trail, make a break, that's how we exit instead. German Rage et How We Exit de l'album Jet Black à Assemblage Requis. Ben oui, puis l'émission avait commencé avec la descente du coude, comme je le disais, d'une époque où il brassait un peu plus, parce que j'ai entendu des nouvelles pièces qu'ils ont fait en spectacle en fin de semaine dernière. Je les ai vues en spectacle, puis je pense que je l'avais dit même ici en Londres, ça va être pas mal moins énergique le futur son de la descente du coude. À chaque album, ils perdent un peu d'énergie, je trouve, mais ça reste quand même de la très bonne musique. Mais c'est pas comme dans le temps, disons. Est-ce que ça va être moins énergique, mais plus énergique? Ah, peut-être à ce moment-là. Il y a peut-être une petite différence au niveau de l'esthétique. Oui, ça va être plus rare. Vous êtes avec Kiwan et Mathieu à Assemblage Requis jusqu'à 17h. Et après l'émission ce soir à 17h, quelque chose de spécial et de révolutionnaire. La dernière porte à gauche déménage. Eh bien oui, maintenant une nouvelle case horaire après presque 3 ans dans la même case horaire les vendredis soirs. Maintenant, je déménage tout ça du côté du mardi à 5h parce qu'il y avait comme un trou, vous l'avez peut-être remarqué dans la programmation entre la programmation de jour et de soir. Donc finalement, ça va combler le tout, ça va faire le lien vers Étal Mixte à 18h. Puis en même temps, ben, c'était pas juste pour ça que je change d'horaire. À la base, c'est parce que j'étais plus disponible les vendredis soirs. D'ailleurs, on va peut-être se voir moins dans les palmarès, Mathieu, les vendredis maintenant. Mais l'absence fait gros grandir. Tu t'ennuies plus, genre. Ok, ouais, c'était pas bien formulé. Le dicton est à peu près comme ça. C'était vraiment pas bien formulé, mais je ressens vraiment toute l'émotion. Là, c'est que ça venait me chercher tellement. Ouais, c'est ça, je vois que t'es troublé complètement, c'est donc ça me touche, moi aussi. Ça, puis les allergies. C'est ce que ça me fait. Donc, Kiwan va suivre Assemblage Requis à partir de 17h les mardis. Ça commence tantôt, ça. Tantôt. Tout à l'heure. Et at the other hour. Tout à l'heure. Okay. On continue en musique, comme toujours, et là, on s'en va entendre quelque chose qui s'appelle Le Mieux de la Mort. Ben oui, un groupe que je pense a pas mal juste joué dans La Dernière Porte à Gauche, justement. C'est pas un groupe qui a un très grand succès, c'est fou, mais c'est vraiment très bon. Ça vaut la peine de l'écouter. Moi, j'aime beaucoup Le Mieux de la Mort, et on va écouter la pièce Se taire. Bon, ben je me la ferme alors. Voilà. Vous êtes à Assemblage Requis. Au 89.1 FM. Sempre Classique des palmarès de C'est fou, c'est la formation Sylvie, Please Make It Home de l'album Trees and Shade. Our Only Fences. Hey, on est dans les classiques de palmarès aujourd'hui, c'est terrible. Des fois, t'as des petits kicks comme ça. J'ai envie d'entendre des classiques, mais relatifs à C'est fou. T'as envie de nommer quelque chose classique. Donc, peu importe qui joue, ça peut être un classique. Ben, c'est un classique pour moi, tu sais, parce que je l'entends souvent à C'est fou, mais c'est ben pour oui, ça que c'est relatif. Je sais, je te comprends. T'es là juste pour me contredire. Tu me contredis, non, sans blague. Vous êtes à l'Assemblage Requis, c'était Sylvie, un classique des palmarès de C'est fou, et on va vous en passer une fois de temps en temps des classiques comme ça de nos palmarès qui ont, disons, passé une bonne période de temps sur nos ondes. Hein? Ouais, c'est ça. Faudrait savoir c'est quoi le critère exact pour devenir un classique du palmarès. D'être passé par les palmarès et d'avoir peut-être tenu plus qu'un certain nombre de semaines, disons. Un certain nombre de semaines nommé X. Non, je pense qu'il faut juste avoir touché le cœur de Mathieu Plante et on devient automatiquement un classique. C'est toujours moi, c'est juste toujours moi. Vraiment. OK. Donc, tantôt, ce qui s'en vient, c'est un bloc CNX avec les nouvelles du futur. Mais avant ça, parlons un petit peu du Gala de la Disque. Oui, on n'a pas tant l'habitude de parler du Gala de la Disque parce que souvent, ce qu'on entend parler régulièrement, c'est les catégories, celles-là qui passent à la TV. Les mainstream, comme on l'appelle. Qui nous intéressent pas tant, mais on oublie souvent qu'il y a plein d'autres catégories. Celles-là sont souvent pas diffusées ou sont diffusées dans un gala alternatif, un genre de off gala de la Disque. À Musique Plus ou à Art TV, de quelque chose du genre. Mmh. Là. Puis ben c'est ça, la catégorie artiste album électronique. Album électronique de l'année. De l'année, c'est ça. Dont, parmi les nommés, quelqu'un qu'on connaît bien ici. Biobazar, tout à fait, avec son album Festin Nu. Biobazar qui en fait Danny Janvier, un animateur ici assez fou. Il anime le dîner de con en semaine, lundi au jeudi, de 11h à 13h. Exactement. Donc, pour souligner sa nomination à la Disque, on va écouter une pièce de cet album, Festin Nu, qui est vraiment un très bon album, qui est, à mon avis, le plus accessible. Je ne les ai pas tous écoutés, mais ceux-là, en tout cas, je l'ai beaucoup écouté, vraiment très, très bon. On va écouter la pièce Flying Monkey de l'album Festin Nu de Biobazar. Vous êtes à Assemblage Requis jusqu'à 17h. We'll be right back. Flying Monkey de Biobazar à Assemblage Requis. Biobazar qui est nominé dans la catégorie Album de l'année Musique électronique à l'autre gala de la disque. Oui, ça va bel et bien être diffusé sur les ondes de Musique Plus et Musimax. C'est le 26 octobre prochain. Et puis, je ne sais pas si tu te souviens, Mathieu, je te parlais la semaine dernière, jeudi passé, je pense, du gala des GAMIC. Oui. Qui est le gala de l'alternative musicale indépendante du Québec. Et puis, depuis quelques années, c'était animé par Rémi-Pierre Paquin. Et puis là, cette année, on a annoncé ça la semaine dernière, en même temps que la programmation. Ce sera plus animé par Rémi-Pierre Paquin. Et la raison, finalement, est toute simple, parce que c'est lui qui va animer l'autre gala de la disque. C'est quand même pas pire. Oui, ouais, très bon animateur. Meilleur que pour animer des émissions de Babu, télé. Babu, disons. Ouais, Babu. Non, mais pour les galas, genre. Pour animer des cérémonies du genre, là, ouais, il est très bon. J'ai lu l'année passée au gamin, qui est très drôle, très... C'est naturel. Oui, et très ironique aussi. Ça fait bien avec l'esprit de la chose. Ah-ha. Voilà donc pour la disque. Maintenant, ben, c'est l'heure de la chronique technologique CNX. Aujourd'hui, dans la chronique technologique CNX, c'est les nouvelles du futur. Donc, des choses futuristes, c'est des choses de science et de robotique. Tiens. Commençons avec des scientifiques et des ingénieurs qui travaillent actuellement au développement d'Ares, qui est un robot chirurgien qui pourrait s'assembler dans le corps d'un patient afin d'y réaliser une opération. Ce type de procédé occasionnerait moins de douleurs chez les patients et réduirait le temps d'hospitalisation. Développé par des laboratoires européens, le projet de robot Ares, qui est le Assembling Reconfigurable Endoluminal Surgical System, adopte une approche modulaire pour permettre l'assemblage d'un robot complexe à partir de petits modules qui peuvent être introduits dans le corps par des orifices naturels. Donc, on avale des pièces mécaniques, ça s'assemble en dedans de nous, puis ça nous opère, puis après ça, on l'évacue. C'est incroyable, hein? C'est exactement ça. Donc, dans le cas d'une opération à l'estomac ou à l'intestin, le patient va devoir avaler de 10 à 15 modules robotiques qui vont pouvoir s'assembler grâce à des aimants en s'agençant selon une configuration prédéterminée. Une fois le robot opérationnel, le médecin va pouvoir l'utiliser pour diagnostiquer la paroi stomacale et y faire une opération chirurgicale. Les fonctions du dispositif étant commandées par un système de communication sans fil bidirectionnel. Et lorsque l'intervention sera terminée, le robot se démembrera et pourra être évacué par les voies naturelles. Quand même faire confiance à la technologie pour faire ça. Là. Avaler des pièces comme ça, puis ça va nous charcuter l'intérieur. Faut avoir peur. Ouais. Faut vraiment avoir confiance. Courage! Ils pensent, les scientifiques, ceux qui sont optimistes, que d'ici 10 ans, toutes les opérations chirurgicales pourraient être réalisées par des robots introduits dans le corps. OK. Babar Amir Parvis et ses étudiants de l'Université de Washington ont mis au point un prototype de verre de contact qui servirait d'interface capable de transmettre des informations visuelles à la personne qu'il porte. Afin de transformer le verre de contact en un système opérationnel, l'équipe y a intégré des antennes miniatures et différents types de circuits et de composants semi-transparents. Un dispositif sans fil portatif transmet les informations aux différents circuits de contrôle du verre de contact et ces derniers activeront les composants optoélectroniques dans le but de produire une image. Les informations apparaissant sur le verre seront superposées au champ visuel du porteur. Il y a beaucoup de mots compliqués dans cette nouvelle-là. Quand même. En intégrant des capteurs spécialisés au système, les verres mesureraient les, en tout cas, encore là, des trucs d'une prise de, les mêmes biomarqueurs qu'une prise de sang. Donc, par exemple, les verres pourraient surveiller en temps réel la concentration de différents types de molécules présentes dans la larme du porteur et transmettre ses données directement au médecin. Une affaire de yeux. De yeux. Ouais. Tiens, vas-y. Non, rien. Non, c'est je trouvais que c'était pas si utile, il me semble, pour toute la peine qu'on donne à cette invention, mais bon. Ça s'appelle les avancées technologiques. Ouais, c'est ça, puis moi, je suis pas là. T'as que... pas d'yeux. C'est un blob sans yeux. Exact. OK, donc, une autre nouvelle du futur. Tiens, une nouvelle assez intéressante. C'est un robot qui est, dans le fond, un bras avec une aiguille et une probe. D'accord, une probe. Pour trouver une veine accessible, parce que là, dans le fond, le robot, ce qu'il fait, c'est qu'il va chercher ton sang. Donc, le robot cherche sur ton bras. Il trouve un endroit dans ta peau qui est un petit peu plus, un petit peu moins squishy, qu'ils disent, hein? Un petit peu moins molle. Okay? Ensuite, il te plante une aiguille dans le bras, et quand il sent un petit bruit là, qui indique qu'il a percé à travers une veine, ben, il sait qu'il faut arrêter de peser sa veine, parce que sinon, tu peux avoir une hémorragie interne. T'sais? En plus, que, là, ce que ça dit dans l'article, c'est que le robot est précis environ 78% du temps. Donc, le reste, ça se pourrait qu'il transperce le bras au complet. Bon, c'est pas super, il me semble, 78%. Est-ce qu'on dit c'est quoi le pourcentage de réussite d'un humain qui fait la même opération? Ah, c'est une très bonne question. Ça doit être un petit peu plus élevé pour l'instant, mais ça va venir. Basé sur la description que je donnais là, c'est pas tout le monde qui l'essaierait. Mais encore là, il faut bien des cobayes pour réussir à faire avancer la science. Donc, peut-être qu'à un moment donné, si, pour de l'argent. T'sais. On ira se faire transpercer les veines. On ira après l'émission, c'est pas même loin. Un nouveau genre de velcro qui peut supporter jusqu'à 35 tonnes de pression et qui a l'air vraiment, vraiment écœurant, si je peux utiliser cette expression-là. C'est fait en fait d'acier, d'accord? Donc c'est un nouveau velcro en acier, ça a été développé par les ingénieurs allemands. Cette nouvelle version du velcro s'appelle le Metaclet. Ça peut supporter, comme je disais, jusqu'à 35 tonnes et des températures jusqu'à 1472 degrés. C'est fait de bandes d'acier perforées de 0,2 mm d'épais. Hein, quand même assez précis, avec des petits genres de crochets qui viennent s'accrocher à des trous comme ça. Donc, allez voir les photos. C'est un nouveau genre de velcro industriel super heavy duty. Hein? Mais si ça supporte jusqu'à 35 tonnes, ça veut dire que ça prend beaucoup d'énergie et de force aussi pour le déprendre, le décoller. Ouais. Je sais pas comment ils font. Là, mais... Des robots sûrement, tout le temps des robots. Toujours des robots. Ils vont sûrement voler les jobs d'humains pour donner ça à des robots. Le prochain, c'est un autre... en fait, c'est un voice bot qui appelle. C'est un mélange entre ce qu'on appelle le robot Vox et le Kuka Calligraphy Bot. Dans le fond, c'est un bras robotisé qui est fait pour être assis comme ça au Parlement au Royaume-Uni. Et il écrit les questions qu'il reçoit des gens qui sont envoyés à leur représentant à la Chambre des communes ou au Parlement. Donc, ça reçoit les messages et ça les transcrit avec une genre de calligraphie à la main. L'utilité, je sais pas, c'est quoi la différence entre ça et faire imprimer un courriel, là. Ouais. Mais ça fait une belle petite police. Allez voir la vidéo, le gars, je sais pas si c'est qui a envoyé ce message-là, mais ça dit genre testicule, testicule, testicule, puis le robot l'a écrit. Ça dit de garder ça clean. Keep it clean, c'est marqué sur l'article, de garder ça propre et parler directement de votre cœur. Mais le robot, ça n'a pas l'air de lui déranger d'écrire des choses un petit peu vulgaires. Mais il y a comme un processus là, de triage de questions. Et bref, ça va fonctionner, ce robot-là, ça dit, jusqu'au 16 octobre. OK, mais tout le monde peut envoyer leurs questions, c'est ça? Exactement. On peut le faire, là. On peut le faire, là. OK. Faut aller voir l'article sur assemblagerequis.com. Un autre robot, je suis vraiment sur les robots cette semaine, je sais pas pourquoi, mais bon. Ce robot-là s'appelle le Taizu. Hein? C'est, dans le fond, le nom en français, si on traduit, ça voudrait dire « elephant want ». OK? Éléphant veut. Je trouve que ça a presque plus de sens, ça rend ça quand même adorable. Donc, Taizu, ça veut aussi dire « calisthenics ». Et c'est un robot avec une tête de plastique dans un habit qui ressemble à un astronaute avec des souliers de clown un peu. Hein. C'est fait pour aider les vieilles personnes à faire de l'exercice. Donc, Taizu fait 28 pouces de haut et pèse environ 15 livres. Il peut montrer jusqu'à 30 différents exercices avec des mouvements physiques et même du commentaire là, parlé avec 26 degrés de liberté. Qu'est-ce que ça veut dire, 26 degrés de liberté? Je sais pas, peut-être qu'il peut bouger gauche-droite, sa taille, quelque chose comme ça. Il y a un système de reconnaissance vocale. Il peut être contrôlé par télécommande. Il peut fonctionner jusqu'à 2 heures sur une seule charge. C'est fait pour vraiment faire de l'exercice, même assis. Le robot peut être assis et montrer des exercices assis avec les jambes et avec les bras. Ça coûte environ 8 000 $. Ça va être en vente l'année prochaine. Surprenant quand même. C'est quand même un petit peu plus cher qu'un cours d'énergie cardio. Là. À peine. À peine plus cher. Et on va terminer avec celui-là. Tiens, une nouvelle mesure anti-pirate pour les jeux vidéo. D'accord, c'est une nouvelle méthode. C'est dans le jeu Batman Arkham Asylum qui vient juste de sortir, développé par Rocksteady et qui est très populaire en ce moment. Sur les forums de Eidos, quelqu'un a posté un commentaire bien innocent disant que la cape de Batman refusait de s'ouvrir. Hein? ce qui a permis à, ben, en fait, ce qui devait permettre dans le jeu au Chevalier Noir, hein, de glisser à travers une pièce remplie de gaz empoisonné avec sa cape ouverte, donc ça pouvait lui permettre de passer le tableau. Le gars était pas capable, il est allé sur le forum et on lui a répondu, ben, c'est pas un bug, c'est une feature. Donc, c'est fait pour ça, c'est fait pour empêcher les gens, ceux qui ont téléchargé une copie illégalement du jeu, ben, c'est quelque chose qui a été comme mis dans le code, ou je sais pas comment c'est fait, mais en tout cas, ça détecte que c'est une copie volée ou... Et puis ça t'empêche de faire certaines choses dans le jeu qui sont essentielles pour le terminer. Donc tu peux pas finir le jeu. C'est génial comme façon de faire. Wow. Hein? Ben, c'est super pas génial pour les joueurs qui veulent pas payer. Mais en tout cas, je trouve que comme, en tant que compagnie, que tu veux empêcher les gens de copier tes jeux, au lieu de faire des affaires qui sont super faciles à contourner, comme ce l'est déjà présentement, ben, tu mets des affaires comme ça qui sont vraiment concrètes, qui t'empêchent de finir le jeu. Tu peux copier ton jeu, mais tu pourras pas le finir. Je trouve ça intelligent de la part des compagnies. Moi, dans leur tête... Je serais bien content de ce que j'ai fait. Oui, puis en plus, c'est qu'ils ne savent pas au départ. Tu peux, je ne sais pas combien de temps tu peux jouer avant de te rendre compte que tu ne peux pas le finir. Mais exactement, ce serait vraiment chiant de le faire genre jusqu'au juste une coche avant la fin. Ça, c'est comme pour rire de toi, tu sais, finalement. Ah, ah, tu peux pas. Ce serait le fun si en plus, il y avait genre une vidéo d'un gars qui était en train de rire de toi. Tu ne peux pas finir le jeu. Génial. C'est Rocksteady, c'est juste vraiment brillant, mais tellement chiant. Ouais, pour la chronique Nouvelle du futur dans CNX, la chronique la plus geek de la radio, on se retrouve tous les jours, du lundi au jeudi à 15h20 pour une autre chronique technologique et elles sont toutes compressées en un seul et même fichier qui s'appelle CNX.zip. Les lundis matin à 10h. Soyez-y tous ensemble. Moi, en tout cas, je vais être là. Toi, tu vas être là et puis j'espère plein de gens aussi vont être là pour entendre cette belle compilation. Je croise les doigts de mon robot. J'ai un robot puis je fais croiser les doigts. Ouais, ben bientôt, je pense que c'est ça la prochaine étape. Là, ta prochaine chronique avancée du futur, là, ça va être des animateurs de radio robotisés, je pense. C'est pas pire. On est rendu là. On est rendu en musique. Écoutez, on a créé un monstre. Oui, avec la pièce d'Orval. Tout de suite, t'es resté là parce que plus tard, on va recevoir Simon Fitzbuck. Oui, dans à peu près une heure. Puis bientôt, là, dans quelques minutes, je vous parle des nouveautés CD qui ont retenu mon attention. Vous êtes à Assemblage Requis, restez avec nous. Corps que l'on discernait plutôt dérangeant, l'aéroport est bondé de gens embarrassés, comme un timbre qui s'apprête à être transporté. Toi, tu t'accroches au bout de mes lèvres, et si je savais dire les bons mots au bon moment. À l'intérieur les battements du moteur à l'intérieur. Assemblage requis jusqu'à 17h. Toujours Assemblage requis. Kiwan, on va faire quelques nouveautés musicales. On va s'écouter ça ensemble. Oui, c'est ça. J'ai trié parmi toutes les nouveautés musicales. Il y en avait beaucoup aujourd'hui. Il y avait entre autres un nouvel album de Megadeth, de Muse, plein de trucs. Mais j'ai choisi ceux qui convenaient le plus à l'émission aussi, avec le style musical qu'on a l'habitude de faire passer. Et un album qui était quand même assez attendu, mais en même temps, qui nous prennent toujours un peu par surprise, les albums de Dumas. C'est le quatrième de son espèce de série de... Je pense que c'est une série de quatre, là. Si vous les avez vus, les albums en magasin, il y a une espèce d'esthétique qui est assez similaire, concept, similaire pour les quatre, en noir et blanc. C'est comme des photos en noir et blanc. Et puis, c'est ça, c'est le quatrième album après... le premier est sorti, là, ça fait pas un an encore, c'était en décembre dernier, en décembre 2008. C'est Nord, ensuite il y a eu Rouge en février, tout de suite après. Il y a eu récemment, au mois de juin, l'album Demain. Et puis là, c'est l'album Au bout du monde de Dumas, qui est le quatrième finalement. Et puis, à travers ces quatre albums-là, il y a une trame un peu là qui est comme une ascension vers un son un peu plus rock. Le premier album était vraiment plus tranquille, vraiment plus dans le style de Dumas, là, un son feutré un peu avec sa voix toujours un peu douce, feutré. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mielleuse, c'est ce que tu veux dire, hein? Frottez votre pouce puis votre index ensemble, puis là vous allez sentir toute la volume. Dépendant de ce que vous avez fait avec vos doigts avant. Hein? Vous allez sentir le feutre de Dumas. Non mais c'est ça, tu sais, la musique est vraiment très très calme, la musique d'ambiance presque. Et puis à travers les albums, le dernier qui était sorti en juin, Demain, il y avait un son un petit peu plus rock, puis un petit peu old school aussi, un petit son un peu inspiré du rock des années 70. Puis déjà, on sentait qu'il y avait un peu plus de rock. Et puis cet album-là, Au bout du monde, vraiment, ça s'en va dans la lignée qui avait commencé avec Demain. Vraiment un son plus rock, plus synthétique un peu. C'est justement moins organique, feutré. C'est un petit peu plus sec, un petit peu plus saccadé. Puis les arrangements aussi sont plus variés, là. C'est pas souvent les albums de Dumas, ses premiers, c'était un peu uniforme du début à la fin. C'est un peu une espèce de trame mielleuse dans laquelle on flottait du début à la fin. Et t'as des images, là, toi, aujourd'hui, c'est là, visuel. Mais cet album-là, un petit peu plus saccadé, plus rock. Puis même des influences assez diverses. Il y a une pièce qui s'appelle Le Bonheur, qui est même, je dirais, reggae. Un son qu'on n'a vraiment pas l'habitude d'entendre chez Dumas. Mais ce que je vous propose d'entendre tout de suite, c'est la pièce... L'amour en fuite. L'amour en fuite. On se complète tellement. Et voilà. Malade. Vous êtes à l'assemblage requis jusqu'à 17h. Restez, il y a tout plein d'autres nouveautés aussi tantôt. Donc, L'amour en fuite de l'album de Dumas. L'album s'appelle Au bout du monde, est disponible en magazine depuis aujourd'hui. Et puis, peut-être que vous vous demandez pourquoi les nouvelles pièces, les derniers albums jouent un peu moins ici à C'est fou, parce qu'on en passait beaucoup des albums précédents de Dumas. Et puis, je pense qu'il a arrêté d'envoyer les albums dans les stations. C'est vrai. Où... Ben, c'est rendu que, si je me rappelle bien de l'histoire au complet, c'est que la compagnie disque ne fait que des MP3 maintenant pour les stations comme les nôtres. Donc, c'est ça. Plus difficile pour nous là, de l'incorporer dans la discothèque. Puis les animateurs de C'est fou marchent surtout avec des CD, donc il faut se dire. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on entend un peu moins de Dumas, mais c'est ça, L'amour en fuite, c'est une pièce que vous allez probablement réentendre assurément à l'émission ici de Dumas. Maintenant, un autre album qui sortait aujourd'hui d'un groupe que je connaissais pas, moi. Je sais pas s'ils sont très connus parce que c'est quand même leur quatrième album studio. Le groupe s'appelle Stars of Track and Field. C'est un groupe des États-Unis qui vient de Portland, en Oregon. Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à Coldplay. Puis je suis pas mal sûr que je serais pas le seul à penser ça, parce que ça ressemble, peu importe la façon qu'on l'écoute, là, ça ressemble à Coldplay, tu vas voir. Donc, c'est pas quelque chose qui est renversant d'originalité, mais ça s'écoute vraiment très bien. Si vous êtes des fans de Coldplay, puis je sais qu'il y en a plusieurs parmi les auditeurs de C'est fou, moi-même, j'aime beaucoup Coldplay. Ouais. Donc, ça s'écoute très bien, Stars of Track and Field. L'album s'appelle A Time for Lions, et on va écouter la pièce The Aviator. Assemblage requis. Il n'y a pas de Leonardo DiCaprio en pièce comme dans le film L'Aviateur. Non, par contre, il n'y a pas ça. Ça manque. Ouais, je vais leur écrire un courriel tout de suite. The aviator's high above and peering over the side window. Traffic's gone still and they're staring at the yellow glow. A Hollywood model with a silver broadcast falls silent. Will come on and she'll have nowhere to go. Looking for can't find novel. Looking for can't find world class. I do I do Donc, c'était Stars of Track and Fields, la pièce The Aviator, et l'album s'appelle A Time for Lions, et c'est disponible dès maintenant. Donc, pour les fans de Coldplay, peut-être, J'ai bien aimé, moi, c'était très bon, ça, Stars of Track and Field. Ben oui, c'est ça. Malgré tout, là, c'est bon, ce son-là. On en dira ce qu'on voudra, c'est quand même bon. Ouais. C'est tranquille, là. Prochain album que t'as écouté, ben en fait, que t'as écouté un petit peu, c'est des pièces que t'as écouté? Qu'est-ce que t'as écouté? Oui, j'ai survolé l'album. J'ai écouté au complet deux ou trois pièces. C'est le nouvel album de Pépé, en fait. Il nous en a parlé la semaine dernière. Il était ici, en entrevue à l'émission ici. D'ailleurs, c'est disponible. L'entrevue et la prestation sont disponibles sur le www.cfou.ca. Vrai. Donc, il nous parlait de son album qui sortait aujourd'hui. L'album s'appelle Pépé Goes Français. C'est parti d'un projet qu'il avait fait avec ses amis au Festival d'été de Québec cette année, je pense, ou l'année passée. Je ne sais pas trop. C'est récent. En tout cas, ça s'est fait assez vite. Donc, il est parti avec ses amis comme ça. Ils ont fait un band. Ils se sont mis à faire des reprises de chansons classiques françaises. Finalement, ça a abouti à un album. Donc, c'est une douzaine de chansons, que des classiques de la chanson française venant de plusieurs époques. Il nous l'avait dit quand il était venu en entrevue ici que lui, ce qu'il aimait dans une reprise, c'était que le son puis l'esprit d'origine soit fidèle, que la pièce finalement soit fidèle à l'original. Il voulait pas se lancer dans des interprétations farfelues de ces classiques-là. Sauf que moi, ça reste vraiment un choix personnel. Moi, personnellement, je pense que j'aime mieux justement les interprétations farfelues de grands classiques. Je trouve ça plus divertissant quand on parle justement de pièces qu'on connaît déjà. Quand ça y ressemble un petit peu trop, on se demande à quoi ça sert de l'avoir refait exactement pareil. Mais ouais, dans ce cas-ci, c'est pas exactement pareil. C'est dans le même esprit. Ben, je vais te laisser. On va aller écouter une pièce tantôt. Puis tu vas voir, j'en ai choisi une quand même qui était reprise de façon un petit peu plus différente. Mais quand même, la majorité des pièces sont reprises de façon très fidèle aux originaux, mais ça reste quand même juste la voix de Pépé, tu sais, qui se prend pas trop au sérieux, là, qui est un peu bouffon, ça ajoute déjà quelque chose, mais pour ce qui est de la musique, souvent c'est assez ressemblant. Donc ce qu'on va écouter, c'est la pièce Cœur de rocker. Assemblage requis. Au 89.1 FM. J'étais encore qu'un enfant de cœur, que j'avais déjà un cœur de rocker. Je n'aimais pas beaucoup l'école, je ne vivais que pour mes idoles, yeah yeah yeah. J'étais encore qu'un teenager, je suis parti vivre ma vie en outsider. Mon père voulait me retenir, tout ce qu'il a trouvé à me dire, c'est tu vas faire mourir ta mère avec mon cœur. De toutes les filles qui m'ont fait craquer, la seule que j'ai vraiment aimée, c'est celle qui m'a quitté. J'étais bien embêté. Hey, hey, hey. C'est vrai que j'étais pas très fidèle, mais j'étais complètement fou d'elle. J'ai voulu la retenir, tout ce qu'elle a trouvé à me dire, c'est tu vas finir ta vie tout seul. Avec mon cœur de rocker, j'ai jamais su dire je t'aime. Oui, mais baby, je t'aimais quand même, que personne t'a jamais aimé. C'est sûrement la première fois qu'une pièce de Julien Clerc est diffusée sur les ondes de C'est fou. Sûrement. Donc, c'était la version de Pépé sur son album. Mais Pépé, grosse française, donc vous voyez que c'est quand même assez fidèle à l'original. Je sais pas vraiment si ça va avoir beaucoup de succès côté album, mais je sais qu'il prépare, il nous dit qu'il préparait une tournée avec ça, puis avec son groupe, ils sont 7, je pense qu'il disait dans le groupe, puis comme vous avez entendu, il y a plusieurs arrangements, des arrangements de cuivre. Donc, sur scène, ça doit faire un gros party, puis je pense que ça doit être le genre de spectacle qui est le fun d'aller voir en gang, parce que c'est toutes des chansons qu'on connaît. On peut chanter dessus. C'est ça, puis c'est drôle là, d'entendre des succès comme ça, mais je suis pas sûr que j'achèterais l'album pour réentendre les versions assez semblables comme ça dans mon auto. Faut être un grand fan de chansons françaises, j'imagine, mais si on est un fan de chansons françaises, est-ce qu'on aime vraiment les interprétations de Pépé? Puis si on est un fan de Pépé, est-ce qu'on aime vraiment les reprises de chansons françaises? Je sais pas si le public se rejoint quelque part là-dedans, mais bref, c'est bon quand même et on aime bien Pépé, donc c'est cool. Donc je pense que ça va avoir du succès sur scène. Puis c'est sûr, il va annoncer des dates prochainement. Il nous parlait là, que dans la prochaine année, là, cet hiver, il va y avoir plusieurs spectacles avec Pépé Goes français. Dernier album dont je vais vous parler, il y en avait plusieurs autres. J'aurais espéré peut-être vous parler un peu de Muse, mais en même temps, l'album de Muse sort partout à travers le monde et puis on va parler que de ça probablement pendant la prochaine semaine. Ça, il y a Nelly Furtado. Oui, Nelly Furtado aussi qui sortait un album aujourd'hui. Il y avait aussi Megadeth et Dubmatic qui faisaient leur grand retour. Mais bon, je me suis dit, il fallait que je fasse des choix. Enfin, je le où était-il donc? Donc, c'est ça, j'ai fait des choix. Et puis le dernier groupe dont je vais vous parler, c'est The Balconies. C'est un groupe dont j'avais souvent entendu le nom, j'en avais souvent entendu parler, mais j'avais jamais entendu The Balconies. Et puis leur album sort aujourd'hui. J'ai pas réussi à trouver l'album, en fait, qui est pas distribué. C'est un album indépendant. Puis il est même pas sur iTunes, il est même pas sur les plateformes de téléchargement comme ça. Donc, il est plus connu même. Non, vraiment. Donc, ça va être dur à trouver. Je pense que c'est un groupe ontarien qui vient de Toronto. Mais ils vont être en spectacle bientôt à Montréal. C'est dans le cadre de Pop Montréal le 3 octobre au Il Motor. Et puis, ils vont revenir aussi un peu plus tard dans le mois d'octobre à la Casa del Popolo. Donc, ce serait des occasions peut-être de se procurer les albums. Sinon, je pense que ça va être un petit peu dur de les trouver. Mais pour l'instant, on va écouter une pièce comme ça qu'on écoute directement depuis MySpace. La pièce, elle s'appelle Elephant Lamp. Et on espère qu'elle va jouer au complet. On a tellement d'espoir, nous. Non, mais moi, tu sais, j'ai beaucoup d'antécédents, d'échecs avec MySpace. Donc, je me croise toujours les doigts à chaque fois. J'espère que ça va marcher. Ça me dit que ça joue, là. C'est rendu à 15 secondes, mais il se passe à rien. T'sais. Ah, tu vois, cas, quand on parle. Je repars et on dit que vous êtes à l'assemblage requis. Puis si ça marche pas, on fera juste du Dubmatic, au pire. Ouais, c'est ça. J'ai oublié mon album, par contre, de Dubmatic. Soudainement. Eh bien, voilà. Bonne écoute. I feel useful. C'était The Balconies avec la pièce Elephant Lamp. Donc, si vous voulez peut-être les rencontrer, les voir et acheter l'album, ça serait en spectacle le 3 octobre prochain à Montréal. Montréal! Donc voilà, c'est les quatre albums qui ont le plus retenu mon attention aujourd'hui. La semaine prochaine, nouvel album de Islands qui est très attendu. Maxime nous en parlait la semaine dernière, donc c'est mardi prochain, le 22, et puis m'avait confié aussi la semaine prochaine. Nous, c'est la fin de la première heure d'Assemblage Requis. Il y en a une deuxième avec, entre autres, Simon Fitzbay qui va être avec nous pour sa chronique Paul is Dead. On va parler, on va révéler les rapports de Charles Manson dans la musique pop. C'est intriguant quand même, hein? Faut être là après la pause pour la deuxième heure d'Assemblage Requis. Restez là. Vous êtes toujours à Assemblage Requis jusqu'à 17h avec Kiwan et Mathieu, l'émission du retour en pièces détachées. Tantôt, on va recevoir Simon Fitzbay pour quelque chose de vraiment étrange. J'ai vraiment hâte d'entendre parler de ça. Oui, c'est dans quelques minutes, mais tout de suite, on va aller écouter la pièce « Aide et morceler » de Pas Chic Chic. Formation Pas Chic Chic et la pièce Aide et morceler ou Aide morceler. Et c'est là-dessus qu'on accueille Simon Fitzbay. Bon, Bonjour Simon Fitzbé. Bonjour Fitzbé. Mathieu, ça va bien? Bonjour Kiwan. Salut. Vous allez bien les garçons? Très bien et toi? Oui, très bien, très bien. Un peu fatigué de l'écriture de la chronique d'aujourd'hui parce que c'est un sujet qui m'a un peu dégoûté. C'est dérangeant. On en parlait, toi aussi, ça te dégoûte un peu Mathieu. Kiwan, toi, t'as l'air d'apprécier par contre. Ouais, moi, je suis troublé de base. En partant. Psychologiquement. Oui, bon, aujourd'hui, je vais venir vous parler de Charles Manson et sa carrière, entre gros guillemets, musicale. Charles Manson, qui est reconnu comme étant le psychopathe qui a commis les meurtres, entre les autres. Les plus affreux du monde. Oui, quand même assez dégueulasse. Sharon Tate, il était rentré chez eux avec sa famille pendant qu'elle donnait une fête et ils ont trucidé les gens présents au party en écrivant sur les murs avec leur sang « Helter Skelter ». Ouais, ça, on va y revenir à Helter Skelter par la suite. Mais je veux pas parler des meurtres, là. C'est pas vraiment ça qui m'intéresse. On les connaît quand même un peu. Oui, c'est ça. On en a vu. Puis, en fait, ça fait 40 ans cette année. C'est un peu pour ça que j'ai décidé de faire ma chronique là-dessus. Ça fait 40 ans le 9 août qu'il a commis ce meurtre-là, mais il y en a eu d'autres aussi sordides. C'est son biggest hit. Ouais, c'est ça, exactement. Mais Charles Manson, lui, ce qu'il a voulu, ce qu'il voulait faire, son rêve, c'était d'être un artiste, d'écrire et de faire de la musique et d'enregistrer et de vendre des disques et de devenir célèbre. Malheureusement, ça a toujours été, dans tous ses essais auprès des maisons de disques, il a été refusé à chaque fois. Il présentait des démos et il réussissait à enregistrer quelques pièces par-ci par-là et présenter ça aux maisons de disques. Il voulait rien savoir. Peut-être qu'il y avait un horaire de meurtre trop chargé aussi. Ouais, moi, c'est ça. C'est difficile de gérer ton temps. C'est ça, tu peux-tu enregistrer telle date? Ah non, je m'en vais tuer quelqu'un. Ouais, ça irait pas bien. Hein. Mais c'est ça, justement. Donc, il réussissait pas à se pogner une carrière musicale. Et c'est un peu ça qui a mené à la formation de sa famille et ensuite donc se venger un peu sur le monde célèbre en les tuant. Mais c'est un gars qui a de l'ambition quand même. Hein? Il va jusqu'au bout de ses rêves. Hein? Il se trouve une deuxième carrière et tout. Il y a un gros CV, c'est vraiment incroyable. Je vais vous parler entre autres d'une de ses fréquentations parce qu'il a fréquenté le milieu de la musique en Californie donc pendant 2 ans, essayé de passer ses démos par-ci par-là avec des artistes plus ou moins connus. La personne la plus connue avec qui il s'est tenu, c'est Dennis Wilson, le batteur des Beach Boys, qui fait partie du trio des frères Wilson, le cœur des Beach Boys. Et donc, ils se sont rencontrés à l'été 1968. Ils se sont rencontrés dans la maison de Dennis Wilson. Dennis qui avait pris sous son aile 2 jeunes autostoppeuses femelles qui cherchait un endroit où rester. Et par son grand cœur, il a décidé de les abriter chez eux. Ouais. Et ensuite, il a pris leur cœur à eux et puis il a fait un bibelot avec quelque chose. Exactement. Exactement. Et les filles ont fait entrer la famille Manson dans la soirée alors que Dennis était parti. Et il est revenu chez eux. Il y avait 12 personnes qui étaient là qui dansaient sur des rythmes psychédéliques. Et ils sont devenus amis. Parce que Dennis Wilson a un problème de drogue, un problème d'alcool, était dépendant aussi des femmes. Et Manson lui apportait tout ça avec sa famille, les drogues psychédéliques et de l'alcool, bien sûr. Et il a commencé à être ami avec le gourou et a décidé de présenter Charles Manson aux Beach Boys. Et les Beach Boys ont plus ou moins aimé son style bizarroïde. Ils se promenaient dans le studio, essayaient de regarder, ils essayaient les micros. Il a même joué des tunes, il s'est enregistré dans le studio des Beach Boys, ce qu'ils n'ont pas aimé. Par contre, Dennis a quand même décidé et convaincu le groupe d'enregistrer une chanson de Charles Manson qui avait le titre original « Cease to Exist » mais qui se nomme « Never Learn Not to Love ». Et on va aller entendre cette chanson au complet. On a le temps. De toute façon, j'ai pas beaucoup d'interventions. Donc, on va aller entendre cette chanson qui se retrouve sur l'album de 1969, « 2020 ». Voilà, il y a comme un... Je vais parler par-dessus, il y a un petit début lent, tu sais. Fait que c'est ça. Par la suite, donc, Charles Manson va quitter la maison de Dennis Wilson alors qu'ils se sont tout simplement chicanés. Manson commençait vraiment à développer sa haine envers les riches. Donc, il l'a chassé de sa maison. Il a eu beaucoup de problèmes toute sa vie durant à vivre avec ça. Donc voilà, la chanson commence, là, à peu près. J'aime vraiment pas le début. I'm your kind, I'm your kind, and I see la pièce Never Learn Not to Love des Beach Boys. On peut commencer à faire le fade out, hein, parce que c'est le même, ça termine de toute façon. Donc, comme on le disait, c'est une chanson qui a été écrite par Charles Manson, paroles et musique, et qui a été reprise par les Beach Boys. Ils ont changé quelques paroles, dont à un moment donné, on entendait Cease to Exist. Donc, ils proposaient à la fille d'arrêter d'exister. Mm-hmm. Ils ont simplement changé par Cease to Exit. Donc, c'est-à-dire arrête de t'en aller pour rendre la chanson plus gentille. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a jamais enlevé, justement, dans les rééditions de l'album, d'enlever cette chanson-là, qui est quand même écrite par un meurtrier. À l'époque, il n'avait pas encore commis les meurtres. S'il les avait faits, il n'avait pas été encore retracé comme étant le responsable. Mais ça reste une chanson des Beach Boys qui n'est pas nécessairement très bonne. C'était dans leur période très creuse. Enfin, commençait leur période creuse à cette époque. Donc, tout le matériel possible à mettre sur un album, on le mettait. Mais est-ce que quand ça a été connu que c'est Charles Manson qui avait écrit cette chanson-là, est-ce que ça a eu une influence sur les Beach Boys? Pas vraiment, parce qu'il n'était pas crédité sur l'album, en fait. C'est par la suite que les gens, en écoutant une pièce de l'album que je vais vous faire entendre très bientôt, se sont rendus compte que c'était en fait une chanson de Charles Manson, donc il y a eu des petits tollés, mais pas nécessairement. Il y a eu un article peut-être dans un journal, okay. Mais personne n'est sorti dans les rues pas pour gros ça. Pas de gros scandale. Hein? Non, c'est ça, vraiment pas. Donc, comme je l'ai dit, lorsque la chanson a commencé, Dennis Wilson a jeté Charles Manson à l'extérieur de sa maison à la fin de l'été 1968. Manson qui est allé ensuite dans la vallée de la mort en Californie pour vivre avec sa famille dans un ranch emprunté, et c'est de là qu'ils ont commis tous leurs meurtres. Dennis Wilson est mort en 1983 et a été alcoolique jusqu'à la fin de sa vie, et on dit que c'est en grande partie à cause de sa rencontre avec Manson. L'a complètement transformé, il vivait très mal avec ça, qu'il ait hébergé ce gars-là chez lui sans responsable un peu d'avoir peut-être exactement, il devait penser qu'il pouvait le dénoncer, mais il avait rien fait encore jusqu'à maintenant, fait qu'il pouvait pas nécessairement l'envoyer en prison. Et Manson a tué a fait ses meurtres avec sa famille, et il a été arrêté à la fin de l'année 1969. Son procès a commencé au début 1970, et c'est le 6 mars 1970 que paraît l'album Live, The Love and the Terror Cult, qui regroupe les pièces de Manson enregistrées entre 1967 et 1968-9. Ça a été sorti à 1000 exemplaires par une petite maison de disques obscure qui voulait pas nécessairement faire de l'argent avec ça, seulement sortir l'album pour profiter un peu du tollé médiatique. La controverse. Exactement. Oui. Il y a eu 300 albums vendus, et on avait repris la couverture de l'album de la revue Life qui parlait de Charles Manson, et on l'a tout simplement mis comme pochette. Et on va aller entendre une pièce qui a été reprise par Guns N' Roses, mais ça, c'est la version originale, et c'est Look at Your Game Girl, première pièce de l'album. C'est une pote très très bon, et c'est du Charles Manson là. C'est vraiment pas quelque chose qu'on doit aimer selon moi là. C'est un peu dégoûtant là, à savoir qu'est-ce qu'il a fait. C'est pas le genre d'affaire que j'écouterais chez nous samedi soir pendant un party. Donc, mais c'est quand même étrange, parce que Guns N' Roses, eux, quand ils l'ont repris, ils savaient qu'il était Charles Manson. Ils l'ont fait consciemment. Ils se promenaient avec des chandails avec la photo de Charles Manson dessus. Ils prenaient ça au sérieux, là. Eux autres, c'était pas en blague. Non, c'est ça. Blague douteuse, pas mal. Mais... ben, c'était surtout probablement pour aller chercher une partie marginale de la population et faire de l'argent avec eux autres, un peu comme Marilyn Manson qui a pris le nom de famille Manson en hommage à Charles Manson. Il était allé chercher un peu ces jeunes détraqués ou en crise d'identité qui se cherchent. Qui veulent un modèle. Exactement. Un meurtrier, rien de mieux. Un meurtrier, pourquoi pas. D'accord. Donc, voici la pièce Look at Your Game Girl, album 1970, et l'album se nomme Lie de Charles Manson. There's a time for living. The time keeps on flying. Think you're loving, baby, and all you're doing is crying. Can you feel? Are those feelings real? Look at your game, girl. Look at your game, girl. What a mad delusion, living in that confusion, frustration and doubt. Can you ever live without the game? A sad, sad game, mad game. Just to say your love's not enough, if fun, you can't be true. You can't tell those lies, baby, but you're only fooling you. Can you feel? Are those feelings real? Look at your game, girl. Ain't real, then you better stop trying, or you're gonna play crying. Stop trying, or you're gonna play crying. That's the game. Sad, sad game. Donc, lui, il se croyait vraiment beaucoup, hein, Charles Manson. Il pensait vraiment qu'il écrivait de la très bonne musique. C'est pas... Ça, ça a été enregistré dans sa cellule, c'est ça? Non, pas celle-là. Ça a été enregistré avant qu'il soit incarcéré. Okay, il y a eu aussi des albums à réaliser avec la famille Manson en jam, là, où c'est que lui jouait de la guitare, d'autres chantaient, jouaient du tam-tam. D'autres poignardaient. Tu sais, le son, le squeak, là, quand ça rentre. C'est ça. Ouais, ça, je trouvais que l'acoustique était pas terrible, mais c'était pas dans sa cellule. C'était des enregistrements type démo, là. Mais par la suite, justement, il a été condamné à prison à vie. Dans plusieurs prisons comme principal responsable des meurtres qu'est-ce qu'a commis sa famille, même s'il a toujours renié le fait qu'il ait participé au meurtre. Donc, il s'est fait incarcérer. Et depuis ce temps, depuis les années 70, en fait, quelques albums parfois paraissent de Charles Manson. Des albums de pièces qui ont été enregistrées par avant, comme ce qu'on a entendu, mais des pièces qui sont enregistrées dans sa cellule. Il y a même un album qui s'appelle « Live at St. Quentin », un peu comme Johnny Cash avait fait. Mais j'imagine mal, j'ai pas lu sur l'album parce qu'il y a très peu de choses qui se trouvent sur Internet là-dessus. Mais je crois pas vraiment que ce soit un show à la Johnny Cash là, avec 200 prisonniers qui le regardent jouer. Je pense plus qu'il était tout seul dans sa cellule puis qu'il a enregistré ça en se disant que c'est mon show. Mm-hmm. Parce que je pense pas qu'il ait le droit de sortir de toute façon. Alors, donc c'est ça, je vais vous parler dernièrement, dernière intervention dans le fond, vous parler de la philosophie de Charles Manson par rapport à Helter Skelter, donc ce qu'il écrivait sur les murs avec le sang de ses victimes. Charles Manson disait avoir entendu dans la pièce Helter Skelter des Beatles sur l'album blanc un message qui était subliminal et dirigé vers lui. Donc, ce message-là, c'est qu'en fait, il lui disait de se préparer pour une guerre raciale qui aurait lieu entre toutes les races et que les Noirs, les Afro-Américains, gagneraient cette guerre finalement. Donc, Manson disait « Il faut aider les Noirs, il faut leur montrer comment faire la guerre et on va faire ce que j'appelle l'Helter Skelter. » Et on va se laisser avec cette pièce des Beatles, justement, qui a été un peu mal interprétée. C'est très dommage, puisque c'est une très bonne pièce. Ça parle de balançoire d'enfant. Helter Skelter, c'est une balançoire à deux bouts. C'est qu'il y en a un qui est en haut, une balance, dans le fond, là. C'est ça. C'est juste ça, la toune. C'est une bonne toune. Puis, donc, écoutons-la sans penser à Charles Manson et ses meurtres, mais plutôt à la beauté de la musique des Beatles. Et donc, que Charles Manson reste en prison jusqu'à la fin de ses jours. Il est même pas bon musicien, de toute façon. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. Where I stop and I turn and I go for a ride. Till I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah, yeah. But do you, don't you want me to love you? I'm coming down fast, but I'm miles above you. top of the slide. And I stop on a dime and I go for a ride. And I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah. But do you, don't you want me to make you? Okay, c'est OK, ça finit là, ça. Non, mais c'est parce qu'à la fin de la toune, t'avais Ringo qui se met à crier. Donc, je me suis dit, pas nécessaire. On va faire un petit radio edit, puis peut-être baisser bon. Ce son. C'était les Beatles. C'était les Beatles, la pièce Helter Skelter, une pièce qui ne doit plus jamais être associée avec Charles Manson. Effacez ça de votre mémoire. Si vous voyez des documentaires sur cassette que vous auriez de Charles Manson, effacez le bout qui dit qu'il y a un rapport avec les Beatles, si, parce qu'il n'y en a aucun. Ou si vous entendez une chronique à la radio, puis la pièce des Beatles passe dedans, puis ça parle de Charles Manson, oubliez ça. Non, il faut l'écouter, par exemple, ça va être ma chronique. Mais c'était vraiment super fascinant, comme toujours, l'autre mythe du rock'n'roll. Merci beaucoup. J'ai bien hâte, la semaine prochaine, à venir vous présenter un autre mythe. Ça va être une surprise. Une surprise, oui. J'aime ça, garder, rester mystérieux. Alors, donc, on suit ça, c'est mardi prochain, à peu près à la même heure. Là. Exactement, oui. Cool. Simon Fidibé est un mythe lui-même, fait que... C'est un peu ça que c'est une légende. Une légende, ouais, exact. La chronique Paul is Dead de Simon Fidibé, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, tout le monde. Hey, on va se changer les idées un peu avec quelque chose de plus léger. À peine, hein? À peine plus léger que des meurtres. Ouais, Chambre 22 font dans la légèreté un peu. Voici Fais la chose. Ah, assemblage de cul. Au 89.1 FM. Alors c'est la sauce. Déclencher, impossible d'appuyer sur pause. Oui, tout le temps, fais la chose. Oui, tout le temps, fais la chose. Oui, tout le temps, yeah, oui, tout le temps, oui, tout le temps, oui, tout le temps, oui, tout le temps. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. C'est fou, Doc. La tête! C'est fou, 89.1, la scène émergente. Jusqu'à 17h, assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou, 89.1. Est-ce que j'ai dit que la patate rose s'était rendu vraiment quelque chose que j'adore écouter? Ben, de plus en plus. Moi, je te dirais que t'es un petit peu en retard, mais bon. Je suis toujours en retard sur ces affaires. Ouais, c'est vraiment très bon, la patate rose. Et puis, tu me disais que tu les avais vus en prestation live dans ta TV? Ouais, c'est ça. Il était à l'émission du Journal Voir à Télé-Québec. Ouais, c'est une nouvelle émission. Ça a commencé la semaine dernière, je pense. Sébastien Diaz, c'est ça? Sébastien Diaz, oui. Qui anime ça. Très bon gars. Ouais. Sympathique au bout. Ouais, pas ça que tu disais tantôt, maudit ben, mentant, c'est pas vrai. Je m'en allais là-dessus, le jason un peu des nouvelles émissions à Télé-Québec. Il y en a plein, là. Il y en a vraiment beaucoup cette année, puis je trouve que la programmation de Télé-Québec est meilleure qu'elle a jamais été. T'sais. Ouais, ben moi j'ai toujours été un grand fan de Télé-Québec, puis j'avoue que cette année, la rentrée est vraiment très intéressante. Ils se donnent, puis en plus, ils donnent des émissions à du monde que tu t'attendrais pas à ce qu'il y ait une émission comme les Moquettes Coquettes de Choc FM, radio communautaire, radio universitaire, et puis là. Ça fait longtemps qu'il y avait vraiment un buzz autour de leur émission de radio, puis ils faisaient même des spectacles, là. Ils avaient commencé. De variété. Ah, ouais, c'est ça. Puis là, maintenant, une émission de télé. Mais revenons à Sébastien Diaz. Oui, c'est ça. Commençons par le commencement. Hein? Oui. Bon. Donc, c'est ça. J'ai pas encore regardé l'émission complète. C'est ça que je voulais être honnête avec toi là-dessus. J'ai vu juste le début. J'avais trouvé que la petite mise en scène de on est dans la salle de nouvelles, de voir. Et puis, tu sais, genre, il commence l'émission en disant c'est une belle petite intro, super cute avec le logo. T'sais. Puis il arrive, puis il s'est passé beaucoup de choses cette semaine dans la salle de presse du voir. Et je viens de croiser Monique Telnon, quelque chose. Ouais, j'avoue que la mise en scène est un peu boboche. Ils font un genre de mise en scène où ils sont comme en pleine action de la scène, de la salle de rédaction. Puis là, ils se promènent d'un pupitre à l'autre là, pour aller voir tous les intervenants. Donc, j'avoue que cette mise en scène-là... ça fait très américain. Ça fait TMZ, là, l'émission de Potin. Genre, on a vu Cameron Diaz au centre d'achat faire telle affaire. C'est un peu comme ça qu'ils font. Tu as vraiment le directeur, le rédacteur en chef qui se promène au pupitre puis qui demande aux gens « Et toi, qu'est-ce que tu as vu cette semaine? » « Ben, j'ai vu Leonardo DiCaprio. » Fait que ça, j'aime moins la petite mise en scène. Ça pourrait être un petit peu plus honnête. Ouais, sur ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi sur ce point-là, mais je trouve que du côté contenu, ça reste quand même une bonne émission. Puis moi, je trouve qu'il est vraiment bon, Sébastien Diaz. Oui. Moi, j'ai vu la première émission sur Internet et vous pouvez l'écouter sur télé-québec.tv. La grosse nouveauté sur le site de Télé-Québec, on peut vraiment pas mal voir d'affaires là-dessus. C'est cool. Puis même si vous inscrivez, vous pouvez recevoir même des primeurs. Là, où je sais pas exactement où puis comment, là, mais moi, je sais que je me suis inscrit sur une liste d'envoi là, il y a plusieurs années. Puis je reçois plein de trucs. J'ai reçu, entre autres, la semaine passée, je te parlais du documentaire Toute une famille. Mm-hmm. C'est une primeur qui m'a envoyé une semaine avant que ça joue. Donc, c'est le genre de primeur que vous pouvez avoir. Puis sinon, là, si vous n'êtes pas sur la liste d'envoi, vous pouvez tout écouter. Peut-être pas toutes les émissions, mais je sais que voir. Plusieurs, ouais. Vous pouvez l'écouter. Et les moquettes coquettes. Les moquettes coquettes aussi. Dont on parlera dans quelques secondes. Mais pour voir, c'est ça. Moi, en gros, la critique que j'ai le plus lue, c'était que dans un journal, tu sais, quand tu as une section, mettons, théâtre qui t'intéresse pas, tu peux la sauter. Alors qu'à la télé, c'est peut-être un petit peu long des fois quand t'aimes pas le sujet. Mais c'est ça. C'est pas pour tout le monde, cette émission-là, de toute façon, ça cible un public très précis. Oui, c'est ça. Puis ça j'imagine qu'eux autres, ils prennent pour compte que les gens qui aiment lire, le voir, vont aimer le contenu en général de l'émission. Puis c'est sûr qu'il peut y avoir des thèmes qui nous intéressent moins, mais bon, je pense que... C'est le genre d'émission qui devrait exister, puis qu'on est content que ce soit à Télé-Québec et non pas peut-être le dimanche après-midi à Radio-Canada, peut-être. Oui, c'est ça. C'est souvent le genre d'émission qui se font garrocher dans des trous où il n'y a vraiment pas d'auditoire, là. Donc, ouais, c'est pas vrai, ça joue les mercredis à 21h. En plein prime time. Yep. On aime ça. Puis, j'ai regardé les Moquettes Coquettes au complet hier, la première émission. J'ai trouvé ça vraiment le fun. Ouais. Honnêtement, je m'attendais à pas si pire que ça. Puis, j'ai été comme impressionné à la fin. Je me suis dit, waouh, c'était le fun. Il y a des moments un petit peu plus inconfortables où tu trouves comme. Je devrais être drôle. Ou proche d'eux. Ouais, mais c'est ça, hein? Ça. J'aime ça. J'aime les filles, je les trouve cool. Je trouve qu'ils font vraiment bien leur travail. Ils sont vraiment très, très drôles. Ils écrivent très bien. L'invité Richard Martineau était vraiment drôle avec eux autres. Il jouait vraiment bien le rôle. Il y a des beaux petits sketchs, des petites parodies de chansons de Lady Gaga et Cœur de Pirate. Là, c'était Cœur d'Artichaut. C'était vraiment très, très drôle. Je vous conseille de le regarder. Et en plus, le gars qui fait la musique, Eric, quelque chose, si je m'en rappelle. J'aurais dû me renseigner, mais le gars qui fait la musique, thème et l'environnement sonore, vraiment super, super bon. OK. Tu vois, moi, je l'ai pas écouté, puis j'étais pas sûr parce que j'avais vu il y avait des capsules web qui avaient été lancées là, dans les semaines d'avant où ils présentaient chacune des filles. Oui. Puis tu vois, ça m'avait pas trop convaincu. Là. J'en avais vu deux, puis je me disais, ouf. J'ai regardé les six. Cinq. Mais j'ai regardé les cinq après avoir vu l'émission. Puis une fois que tu as vu l'émission, puis que tu commences déjà à les connaître, parce que dans les sketchs, on voit un petit peu leur personnalité, quand tu vas voir leur spot après. Là, tu trouves ça le fun. OK, donc il faudrait commencer par écouter une émission avant d'aller voir la description. Lancez-vous comme dans une piscine, là, pas d'orteil, juste sacrez-vous dans la piscine avec cette émission-là, puis moi, je vais passer un bon petit moment. T'sais. Bon, OK, je vais essayer de faire ça. C'est quand, les manquettes de coquettes? C'est les vendredis soirs. Vendredi soir, OK. À Télé-Québec, bien sûr. Voilà, ouais, pour ça donne bien, j'ai un trou de libre maintenant, le vendredi soir. Faut que tu viennes au palmarès, par exemple, des fois. Ouais, quand même. C'est ça, fait que retire tes paroles. Entre le palmarès et mon ballon balai. Ouais, c'est ça. J'essaierai d'écouter les moquettes. Au moins, t'es honnête. Tu dis que tu lâches ton émission pour le ballon balai. Ben oui, je l'avais pas dit tantôt, j'étais un peu gêné, mais là, on se déjeune, on est en fin d'émission. Ben oui, je m'affirme finalement, je suis un joueur de ballon balai. Bon. Fier de l'être, en plus. C'est juste s'assumer, puis c'est ça qui est important. Puis quand c'est fait, le reste passe bien, tu sais. Ouais, donc avis à ceux qui voudront tenter leur. Te ballon balai. Ballon batté. On va entendre Ton cœur aujourd'hui tout de suite de l'indice. Et restez là parce qu'à 17h, Kiwan va animer sa nouvelle édition de La dernière porte à gauche dans sa nouvelle case horaire. Eh oui. Et il vous parlera peut-être de son prochain match de ballon balai. Peut-être. Ou pas. L'indice Ton cœur aujourd'hui, assemblage requis, Kiwan, Mathieu, jusqu'à 17h. C'est une phrase décousue, comme l'émission. Rendez-vous. crois s'être perdu. Enfin quelque chose à faire aujourd'hui. Donne-moi ton cœur. La pièce Woo de c'est atomué en même temps que les Atomic Baobab, c'est un groupe de Trois-Rivières qui font, comme vous l'entendez, un genre de funk jazzy. Instrumental, mais des paroles aussi. Avec des cris de ouf. Avec des cris. Puis ils sont en spectacle ce soir, c'est au Gambrinus. Donc, allez faire un tour au Gambrinus ce soir. Oui, ça a l'air cool, ça. Mm-hmm. J'aime bien. Nous, c'est la fin d'Assemblage requis, pas mal. Kiwan va suivre avec son émission La dernière porte à gauche qui déménage au mardi à 17h. Oui, première émission dans la nouvelle case horaire, mardi à 17h. Et puis aujourd'hui, j'ai pour vous pas mal toutes les nouveautés qu'on a entendues dernièrement, des albums qui vont paraître prochainement, celui de Fred Fortin, de Xavier Caffeine, Navet Confi et plein d'autres trucs un petit peu moins connus aussi. Et après La dernière porte à gauche qui est à 17h, il y aura Étalmix à 18h avec Sébastien Dulude qui va être avec nous demain pour sa chronique Va voir ailleurs si j'y suis. À 19h. Vas-y, non, vas-y, 19h. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a à 19h, Kevin? Est-ce que tu le sais? Non, je sais pas. C'est Rock Révélé. Ah. Suivi de réanimation. Mais qu'est-ce que tu allais dire, sinon? Ben, j'allais dire que demain aussi, avec Sébastien, on reçoit aussi François Lemay qui vient nous parler de Landry. La rentrée en politique provinciale. Oui, François Landry. François Landry. François Landry. Ouais, c'est ça. Politique provinciale, la rentrée. C'est ça. Demain. Demain, à Assemblage requis, avec aussi une chronique technologique CNX. Et Kiwan, et Mathieu, et vous, espérons-le. Hein? Demain, 15h. Bye, Kiwan. On se laisse avec The Doves et Winter Hill. Bonne émission, Kiwan. Merci. C'est bien Winter Hill. C'est bien The Doves. Bien François Landry aussi.